Elle est belle, son aile. 2. Elena est allée chez Audrey. 3. Mon neveu a les yeux bleus. 4. Étienne veut réserver un hôtel. 5. Ma mère s'appelle Lorraine. 6. Il ne veut pas allumer les feux.